petites misères de la vie conjugale. De Honoré de Balzac. En partenariat avec la Comédie Française. Adaptation et réalisation, Cédric Ossier. Premier épisode. Préface où chacun retrouvera ses impressions de mariage. Un ami vous parle d'une jeune personne. Bonne famille, bien élevée, jolie et 300 000 francs comptant. Vous avez désiré rencontrer cet objet charmant. Généralement, toutes les entrevues fortuites sont préméditées. Et vous parlez à cet objet devenu très timide. Vous. Une soirée charmante. Elle. Oui, monsieur. Un contrat s'ensuit, discuté par deux affreux notaires. Puis les deux familles jugent nécessaire de vous faire passer à la mairie, à l'église, avant de procéder au coucher de la mariée, qui fait des façons. Vous avez, il y a 4 mois, épousé celle que nous appellerons du doux nom de Caroline, pour en faire le type de toutes les épouses. Caroline est, comme toujours, une charmante jeune personne et elle a certainement trouvé pour mari ce que recherchent le plus les familles sensées, l'idéal de leur désir, le fils unique d'un riche propriétaire. Ce phénix, vous, nous le nommerons Adolphe, quel que soit son état dans le monde, son âge et la couleur de ses cheveux. Puis un jour, votre Caroline est excessivement orgueilleuse de la forme un peu bombée de sa taille. Toutes les femmes déploient une innocente coquetterie pour leur première grossesse, semblable aux soldats qui se pomponnent pour sa première bataille. Elles aiment à faire la pâle, la souffrante, elles se lèvent d'une certaine manière et marchent avec les plus jolies affectations. Encore fleurs, elles ont un fruit. Elles anticipent alors sur la maternité. Toutes ces façons sont excessivement charmantes, la première fois. Mais après, il vous arrive une foule de petites misères imprévues, comme ceci. Les découvertes. Après 2 ou 3 années de mariage, votre femme, cette jeune fille à qui les premiers plaisirs de la vie et de l'amour tenaient lieu de grâce et d'esprit, si coquette, si animée, si vive, dont les moindres mouvements avaient une délicieuse éloquence, a dépouillé lentement, un à un, ses artifices naturels. Enfin, vous avez aperçu la vérité. Vous vous y êtes refusé, vous avez cru vous tromper. Mais non. Avez-vous entendu Madame Adolphe ? Caroline manque d'esprit. Pauvre petite femme, elle est... Elle est... Bête comme un chou. Lourde. Elle ne sait ni plaisanter, ni discuter. Comment lui, qui certes est un homme d'esprit, a-t-il pu choisir ? Elle a parfois peu de tact. Vous êtes effrayé. Un jour, Caroline aura soutenu Mordicus chez Madame de Fichetaminel, une femme très distinguée, que le petit dernier ne ressemblait ni à son père ni à sa mère, mais à l'ami de la maison. Elle aura peut-être éclairé Monsieur de Fichetaminel en renversant l'échafaudage des assertions de Madame de Fichetaminel, qui, depuis cette visite, vous marque de la froideur, car elle soupçonne chez vous une indiscrétion faite à votre femme. Pour vous, aller dans le monde, c'est aller au martyr. Ah, je n'ai pas d'esprit. Aucune femme ne prend jamais ceci en bonne part. 6 semaines après, Caroline peut vous prouver qu'elle a précisément assez d'esprit pour vous minotauriser, sans que vous vous en aperceviez. Le Minotaure était, de toutes les bêtes cornues, celle que la mythologie nous signale comme la plus dangereuse. Quand une femme est inconséquente, le mari est minotaurisé. Le mari minotaurisé est tout bonnement un mari à la façon de Molière. Effrayé de cette perspective, vous épuisez alors les formules oratoires, vous cherchez la manière de dorer cette pilule. Enfin, vous trouvez le moyen de flatter tous les amours propres de Caroline, car, axiome, une femme mariée a plusieurs amours propres. Vous dites être son meilleur ami, le seul bien placé pour l'éclairer. Vous demandez à votre chère Caroline, que vous tenez par la taille, comment elle, si spirituelle avec vous, qui a des réponses charmantes, vous lui rappelez des mots qu'elle n'a jamais eus, que vous lui prêtez, qu'elle accepte en souriant, comment elle peut dire ceci, cela, dans le monde. Caroline devrait veiller sur elle. Vous lui vantez le silence, comme la plus sûre méthode d'avoir de l'esprit. Dans le monde, on aime qui nous écoute. Caroline vous a saintement serré dans ses bras, elle vous a remercié de vos avis, elle vous en aime davantage. Vous êtes l'homme le plus heureux du monde d'avoir su sortir de ce premier mauvais pas conjugal. Nous allons ce soir chez Madame Deschard, où l'on ne sait que faire pour s'amuser. On y joue à toutes sortes de jeux innocents à cause du troupeau de jeunes femmes et de jeunes filles qui y sont. Tu verras. Vous êtes si heureux que si l'on vient à parler femmes, vous les défendez. Vous trouvez les femmes charmantes, douces. Elles ont quelque chose de divin. Combien de fois nos opinions nous sont-elles dictées par les événements inconnus de notre vie? Vous menez votre femme chez Madame Deschard. Madame Deschard est une mère de famille excessivement dévote. Elle surveille ses filles qui sont de 3 lits différents et les tient d'autant plus sévèrement qu'elle a eu, dit-on, quelques petites choses à se reprocher pendant ses 2 précédents mariages. Chez elle, personne n'ose hasarder une plaisanterie. Tout y est blanc et rose, parfumé de sainteté. On joue à deviner des mots à plusieurs sens, d'après les réponses que chacun doit faire à ses questions. Comment l'aimez-vous? Qu'en faites-vous? Où le mettez-vous? Votre tour arrive de deviner un mot. Vous allez dans le salon, vous vous mêlez à une discussion et vous revenez. On vous a cherché quelques mots qui puissent prêter aux réponses les plus énigmatiques. Chacun sait que pour embarrasser les fortes têtes, le meilleur moyen est de choisir un mot très vulgaire et de comploter des phrases qui jettent l'Œdipe de salon à 1000 lieues de chacune de ses pensées. Le mot « mal », M-A-L, a été promu à l'état de sphinx. Chacun s'est promis de vous dérouter. Le mot, entre autres acceptions, a celle de mal, substantif qui signifie en esthétique le contraire du bien, de mal, substantif qui prend 1000 expressions pathologiques, puis mal, la voiture du gouvernement, et enfin mal, ce coffre, varié de forme, à tout crin, à toute peau, à oreille, qui marche rapidement, car il sert à emporter les effets de voyage. Je l'aime d'amour. Je l'aime chronique. Je l'aime... Je l'aime à secret. À crinière fournie. Je l'aime dévoilée. Je l'aime à cheval. Je l'aime comme venant de Dieu. A dit Madame Deschard. Comment l'aimes-tu? A demandé Adolphe à Caroline. Je l'aime légitime. La réponse de votre femme est incomprise et vous envoie promener dans les champs constellés de l'infini où l'esprit, ébloui par la multitude des créations, ne peut rien choisir. On le place dans une remise, au grenier, dans un bateau à vapeur, dans la presse, dans une charrette, dans les bagnes, aux oreilles, en boutique. Votre femme vous dit en dernier... Dans mon lit. Vous y étiez, mais ne savez aucun mot qui aille à cette réponse. Madame Deschard n'ayant pu rien permettre d'indécent. Qu'en fais-tu? Mon seul bonheur. Dit votre femme après les réponses de chacun, qui toutes vous ont fait parcourir le monde entier des suppositions linguistiques. Cette réponse frappe tout le monde, et vous particulièrement. Ainsi, vous obstinez-vous à chercher le sens de cette réponse. Vous pensez à son mouchoir, à l'ourlet de sa chemise, à sa broderie, à votre foulard, à l'oreiller, à la table de nuit où vous ne trouverez rien de convenable. Enfin, Les hommes supérieurs aiment mieux, en ne voyant cadrer aucun mot à toutes les explications, s'avouer vaincu que de dire inutilement trois substantifs. D'après la loi de ce jeu innocent, vous êtes condamné à retourner dans le salon après avoir donné un gage. Mais vous êtes si excessivement intrigué par les réponses de votre femme que vous demandez le mot à une petite fille. Mal ? Vous comprenez tout, moins les réponses de votre femme. Elle n'a pas joué le jeu. Madame Deschard ni aucune des jeunes femmes n'a compris. On a triché, on cherche, on s'intrigue, vous voulez une explication, et chacun partage votre désir. Dans quelle acception as-tu donc pris ce mot, ma chère ? Eh bien, mal. Madame Deschard se pince les lèvres et manifeste le plus grand mécontentement. Les jeunes femmes rougissent et baissent les yeux. Les petites filles agrandissent les leurs et ouvrent les oreilles. Vous restez les pieds cloués sur le tapis. Vous apercevez une vie infernale. Le monde est impossible. Restez chez vous avec cette triomphante bêtise. Autant aller au bagne. Axiome. Les supplices moraux surpassent les douleurs physiques de toute la hauteur qui existe entre l'âme et le corps. Les taquinages. Vous avez passé de l'allegro sautillant du célibataire au grave andante du père de famille. Au lieu de ce joli cheval anglais cabriolant et mouvant sa croupe luisante sous le quadruple lacis des rênes et des guides que vous savez manier avec quelle grâce et quelle élégance, les Champs-Élysées le savent, vous conduisez un bon gros cheval normand à l'allure douce, Coco. Vous avez appris la patience paternelle et vous ne manquez pas d'occasion de le prouver. Aussi, votre figure est-elle sérieuse ? Cette voiture à quatre roues a du ventre et ressemble à un bateau rouennais. Légère en apparence, elle est alourdie par six personnes et fatigue votre unique cheval. Au fond se trouve étalée comme des fleurs votre jeune femme épanouie et sa mère, grosse rose trémière à beaucoup de feuilles. Vous avez exécuté la triomphante idée de promener votre famille. Vous êtes parti le matin de votre maison, où les ménages mitoyens se sont mis aux fenêtres en enviant le privilège que vous donne votre fortune d'aller aux champs et d'en revenir sans subir les voitures publiques. « Allons à maison !» s'est-on écrié. Vous êtes allé à Maison, près d'Alfort. Vous revenez par la rive gauche de la Seine au milieu d'un nuage de poussière olympique très noirâtre. Le cheval tire péniblement votre famille. « Hélas, vous n'avez plus aucun amour-propre, en lui voyant les flancs rentrer et deux os saillants aux deux côtés du ventre. Vous y tenez, à ce cheval. Il est excellent, il a coûté 1200 francs. Quand on a l'honneur d'être père de famille, on tient à 1200 francs autant que vous tenez à ce cheval. Vous apercevez le chiffre effrayant des dépenses extraordinaires dans le cas où il faudrait faire reposer Coco. En ce moment... Charles, votre fils qui ne sait que faire dans cette boîte roulante, s'est tortillé, s'est attristé dans son coin, et sa grand-mère, inquiète, lui a demandé « Qu'as-tu ? J'ai faim !» a répondu l'enfant. « Il a faim ! » a dit la mère à sa fille. « Et comment n'aurait-il pas faim ? Il est 5h30, nous ne sommes seulement pas à la barrière et nous sommes partis depuis 2h. Ton mari aurait pu nous faire dîner à la campagne. Il est mieux faire 2 lieues de plus à son cheval. » Et revenir à la maison. La cuisinière aurait eu son dimanche. Mais Adolphe a raison, après tout. C'est une économie que de dîner chez soi. Adolphe, s'écrie votre femme, stimulée par le mot économie. Nous allons si lentement que je vais avoir le mal de mer et vous nous menez ainsi précisément dans cette poussière noire. Quoi pensez-vous ? Ma robe et mon chapeau seront perdus. Aimes-tu mieux que nous perdions le cheval ? Demandez-vous en croyant avoir répondu péremptoirement. Il ne s'agit pas de ton cheval, mais de ton enfant qui se meurt de faim. Voilà 7 heures qu'il n'a rien pris. Faites dans ton cheval ! En vérité, ne dirait-on pas que tu tiens plus à ta rosse qu'à ton enfant ? Vous n'osez pas donner un seul coup de fouet au cheval. Il aurait peut-être encore assez de vigueur pour s'emporter et prendre le galop. Non, Adolphe tient à me contrarier. Il va plus lentement. Va, mon ami, va comme tu voudras. Et puis tu diras que je suis dépensière en me voyant acheter un autre chapeau. Vous dites alors des paroles perdues dans le bruit des roues. Enfin, Adolphe, ton fils meurt de faim, il est tout pâle. Cependant, Caroline, il fait ce qu'il peut. Rien ne vous impatiente comme d'être protégée par votre belle-mère. Si vous avez le malheur de rappeler à Caroline que c'est elle qui, le matin, a exigé cette partie au nom de ses enfants et de sa nourriture, elle nourrit sa petite, vous serez accablé sous une avalanche de phrases froides et piquantes. Aussi acceptez-vous tout pour ne pas aigrir le lait d'une femme qui nourrit et à laquelle il faut passer quelques petites choses, vous dit à l'oreille votre atroce belle-mère. Vous avez au cœur toutes les furies d'Oreste. Il vous prend envie de verser votre famille dans la Seine. Vous rentrez chez vous, vous avez hâté rageusement votre cheval normand, vous n'avez évité ni l'indisposition de votre animal, ni l'indisposition de votre femme. Le soir, Caroline a très peu de lait. Si la petite crie à vous rompre la tête en suçant le sein de sa mère, toute la faute est à vous qui préférez la santé de votre cheval à celle de votre fils qui mourait de faim et de votre fille dont le souper a péri dans une discussion où votre femme a raison, comme toujours. Après tout, les hommes ne sont pas mères. Vous quittez la chambre et vous entendez votre belle-mère consolant sa fille par ces terribles paroles. Ils sont tous égoïstes, calme-toi. Ton père était absolument comme cela. Les attentions d'une jeune femme. Au nombre des délicieuses joyeusetés de la vie de garçon, tout homme compte l'indépendance de son lever. Les fantaisies du réveil compensent les tristesses du coucher. Un garçon se tourne et se retourne dans son lit. Il peut bâiller à faire croire qu'il se commet des meurtres, crier à faire croire qu'il se commet des joies excessives. Il peut se refuser aux réquisitions sonores de la pendule obstinée, s'enfoncer dans sa ruelle en se disant je devrais y aller. J'ai promis. Mais comment résister aux ouates de mon lit? Et vous vous rendormez, bercé par le bruit vague des premières voitures. Quand votre maison tremble dans ses membrures et s'agite sur sa quille, vous vous croyez comme un marin bercé par le zéphyr. Toutes ces joies, vous seul les faites finir en vous dressant sur votre... Ah, cela s'appelle votre séant. Notre bleu, il faut se lever. Tu es un drôle, un paresseux. Vous restez sur ce temps. Vous regardez votre chambre, vous rassemblez vos idées. Enfin, vous sautez hors du lit. Avec courage. Je vais courir. Vous consultez la plus complaisante de toutes les pendules. Vous interjetez des espérances ainsi conçues. Il y a un quart d'heure de grâce dans tous les rendez-vous, même entre débiteurs et créanciers. Vous mettez vos bottes avec fureur. Vous vous habillez comme quand vous avez peur d'être surpris peu vêtu. Vous avez les plaisirs de la hâte. Vous interpellez vos boutons. Enfin, vous sortez comme un vainqueur, sifflotant, brandissant votre canne, secouant les oreilles, galopant. Après tout, dites-vous, vous n'avez de compte à rendre à personne, vous êtes votre maître. Mais toi, pauvre homme marié, tu as fait la sottise de dire à ta femme... Ma bonne, demain, je dois me lever grand matin. Malheureux Adolphe. 2 heures avant le jour, Caroline vous réveille tout doucement et vous dit tout doucement... Mon ami... Quoi ? Le feu ? Oh non ! Adore, je me suis trompée, l'aiguille était là, Dieu. Oh, il n'est que 3 heures, tu as encore 2 heures à dormir. Dire à un homme, vous n'avez plus que 2 heures à dormir, n'est-ce pas comme quand on dit à un criminel, il est 5 heures du matin, Ce sera pour 7h30. Une femme est alors exacte comme un démon venant réclamer une âme qui lui a été vendue. Quand 5h sonne, la voix de votre femme, hélas trop connue, résonne dans votre oreille. Elle vous dit avec une atroce douceur: « Adolphe, voilà 5h. Lève-toi, mon ami. » Oui, oui, oui, oui. Adolphe, tu manqueras ton affaire. C'est toi-même qui l'as dit. Vous vous roulez la tête avec désespoir. Allons, mon ami. Je t'ai tout apprêté hier. Mon chat, tu dois partir. Veux-tu manquer le rendez-vous? Allons donc. Lève-toi donc, Adolphe. Va-t'en, voilà le jour. Caroline se lève en rejetant les couvertures. Elle tient à vous montrer qu'elle peut se lever, sans barguigner. Elle va ouvrir les volets, elle introduit le soleil, l'air du matin, le bruit de la rue. Mais, mon ami, lève-toi donc! Qui jamais aurait pu te croire sans caractère? Oh, les hommes! Moi, je ne suis qu'une femme, mais ce que je dis est fait! Vous vous levez en grommelant, en maudissant le sacrement du mariage. Adolphe! Vous n'avez pas le moindre mérite dans votre héroïsme, ce n'est pas vous, mais votre femme qui s'est levée. Caroline vous trouve tout ce qu'il vous faut avec une promptitude désespérante. Elle prévoit tout. Vous êtes traité comme un enfant. Sans elle, tout irait mal. Vous ne songez à rien, elle songe à tout. Vous revenez 5h après pour le déjeuner entre 11h et midi. Vous demandez où est votre femme. Vous la croyez sur pied. Madame est encore au lit, dit la femme de chambre. Vous trouvez votre femme languissante, paresseuse, fatiguée, endormie. Elle avait veillé toute la nuit pour vous éveiller. Elle s'est recouchée. Vous êtes cause de tous les dérangements. Si le déjeuner n'est pas prêt, elle en accuse votre départ. Si elle n'est pas habillée, si tout est en désordre, c'est votre faute. À tout ce qui ne va pas, elle a répond: « Il a fallu te faire lever si matin. » Monsieur s'est levé si matin est la raison universelle. Elle ne peut rien faire de la journée parce que vous vous êtes levé matin. 18 mois après, elle vous dit encore: « Sans moi, tu ne te lèverais jamais. » À ses amis, elle dit: « Monsieur se lever, sans moi, si je n'étais pas là. » Jamais il ne se lèvera. Ça fait votre éloge, madame. Cette critique un peu leste met un terme à ses vanteries. Cette petite misère, répétée 2 ou 3 fois, vous apprend à vivre seul au sein de votre ménage, à n'y pas tout dire, à ne vous confier qu'à vous-même. Il vous paraît souvent douteux que les avantages du lit nuptial en surpasse les inconvénients. Petite misère de la vie conjugale. De Honoré de Balzac. Adaptation Cédric Ossier. Avec les comédiens de la Comédie Française: Michel Vuillermoz, Jennifer Decker, Noam Morgenstern et Christian Gaumont, Sylvia Berger, Pauline Méreuse, Catherine Sauval, Elsa Le Poivre, Jérôme Pouli, Alexandre Pavlov, Loïc Corbery, Félicien Jutner, Julie Sicard, Serge Bagdassarian, Suliane Brahim, Hervé Pierre. Bruitage, Patrick Martinage, assisté d'Élodie Fiat. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Olivier Dupré, Émilie Couette. Assistante à la réalisation, Cécile Lafont. Réalisation, Cédric Ossier.